Ô vous qui croyez, ne dites pas « Raïna, favorise-nous », mais dites « Anzurna, regarde-nous ». Et écoutez, un châtiment douloureux sera pour les infidèles.